entendre ta voix. C'est l'heure qui frissonne d'être à tes côtés, l'heure des instants qui glissent entre nos doigts. C'est l'heure qui se tient debout malgré tout. C'est l'heure qui se donne sans rien demander. C'est l'heure. C'est l'heure qui échappe aux heures. Quand la vie se prend à rêver. C'est l'heure qui échappe aux heures. Quand la vie se prend à rêver. Et aussi. C'est l'heure qui échappe aux heures. Celle qui vient te surprendre, que tu croyais perdu. C'est l'heure qui échappe aux heures. Celle qui vient te surprendre, que tu n'attendais plus. C'est l'heure.